À force d'y penser, on finirait par croire. Le Québec, un pays qu'il faudrait cesser d'y croire. L'État-nation, c'est une idée qui pogne moins ces temps-ci. Mais les seuls franco d'Amérique veulent pas être soumis. Jamais 203 pour une chose comme ça. Priez mon Dieu que l'on se sépare du Canada. Les Anglais ont peut-être gagné des guerres. Une culture authentique a bien droit à son bout de terre. Pour notre respect et celui de la langue. De la reine, je veux tenir les reines. À force d'y penser, on finit par voir. Un visage seul fait jamais de reflet de miroir. Le but c'est pas de détruire tous les systèmes, juste en faire un plus sage et plus. Société sûrement moins pire. Marquez le temps, Québec indépendant, et s'affirmer en tant que peuple fièrement. Pour notre respect et celui de la langue qui fait ce qu'on est. Je suis pas sujet de la reine. À mes ancêtres comme ça se fait pas. C'est un peu normal de pas être sûr depuis le temps qu'on marche au pas. Pas toujours des directs sur le nez comme dans le cas d'octobre 70. Yo, écoute ça, 502 arrestations, 31 700 perquisitions, aucune mise en accusation. C'est quoi sinon de l'intimidation? J'ai le goût de faire un pied de nez à l'hégémonie culturelle anglo-saxonne, nord-américaine. Leur dire que mon peuple était là depuis le début et qu'il a eu sa peine. J'ai le goût de faire un pied de nez à l'hégémonie culturelle anglo-saxonne, nord-américaine. Leur dire que mon peuple était là depuis le début et